tweet. Oui, c'est moi. Si tu me téléphones, fais bien attention. Que ce ne soit pas ma mère qui prenne la communication. Il te faudrait lui expliquer qui tu es, ce que tu fais et depuis combien de temps on se connaît. Oui, si tu me téléphones, prends garde chérie. Si par malheur mon père est là, j'aurais bien des ennuis car je devrais lui expliquer. Tu hurles le chant, tes sentiments et la situation le dévore. Qu'est-ce que ça peut bien leur faire? Tout ça ne le regarde pas. Je suis moi, je t'aime, mais c'est bien mon affaire. Oh, chérie, et c'est pourquoi tu me téléphones. Essaye de choisir, oui. Le jour où mes parents auront eu envie de sortir, car s'ils étaient à mes côtés, comprends-moi, je ne pourrais pas te dire à quel point je suis fou de toi. Te dire à quel point je suis fou de toi. Oh baby, à quel point je suis fou de toi. Viens contre moi, baby. Viens tout près, tout près. Ah, plus près, encore plus près. Ouais, ouais, ouais, ouais, vas-y. Ouais, ouais, ouais, ouais. Essaye de choisir, oui. Le jour où mes parents auront eu envie de sortir, je te dirai, oui c'est vrai. Reviens chez moi, ne tarde pas. Ce soir je veux t'aimer tout contre moi. Ce soir je veux t'aimer tout contre moi. Ce soir je veux rêver tout près de toi. Ah, ce soir je veux t'aimer tout contre moi. Ah, viens bébé. Ah, ce soir je veux t'aimer tout contre moi.